pero como quiera quiero bailarla. Caminar en la arena, por la playa serena, haría todo para conquistarla. Que se olvide la pena, mami, deje el estrés, que donde bailan uno pueden bailar tres. Hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos que duro el derecho al deber. Rápido, lento, suave, también duro. Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro. Y dice lento, lento, rápido, seguro. Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro, mamá. Danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Bienvenue à tous et à vous toutes. Déjà bonjour et voici le retour du mardi après-midi pour l'émission Music Dance. Donc, eh bien, pour vous, j'espère que tout se passe bien, tout simplement, ainsi que pour tous ceux qui sont encore en vacances, tout ça, eh bien, qu'ils s'occupent bien. Et puis, ainsi qu'on écoute aussi les chansons pour vous faire plaisir. Et puis, dans l'après-midi, on va faire un petit tour du côté des années 80 qu'on connaît très bien les chansons. Puis, ça fait un bon souvenir de les écouter et de bien les entendre aussi. Yeah. Eh bien, je vous laisse avec, on va débuter avec Nayal Balawan et puis d'autres chansons comme Kimai, tout simplement. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. On a tous quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Son bois porte les seaux, à faire une écharpe de laine, le jour de la foire aux chevaux, mais qui a pris soin de son âme et l'a bercée dans son lit, qui la traitait comme une femme. Au moins une fois dans sa vie, le bois que porte Louise, c'est le bon Dieu qui le portait. Le froid dont souffrait Louise, c'est le bon Dieu qui le souffrait. Ce n'était qu'un homme des équipes, du chantier des chemins de fer, à leur laisser aux domestiques. Elle leur joignait près des barrières. Me voudras-tu moins qui sais coudre, signer mon nom et puis compter l'homme à sa taille sur la route, passait son bras, la promenait. Et l'amour qui tenait Louise, c'est le bon Dieu qui le tenait. Le regard bleu sur Louise, c'est le bon Dieu qui l'éclairait. Ils sont partis, vaille que vaille, mourir 4 ans dans les tranchées. Ils ont raconté leur bataille dans le salon après le thé. Et les lettres qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui les portait. La guerre qui séparait Louise, c'est le bon Dieu qui la voyait. Un soir d'hiver, sous la charpente, dans son lit cache, elle a tué l'amour tout au fond de son ventre, par une aiguille à tricoter. Si je vous garde Louise en place, c'est en cuisine, pas devant moi. Ma fille prie très fort pour que s'il fasse ce que le curé m'a appris là. Et la honte que cachait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a caché. Le soldat qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a vu tomber. Il y a 50 ans, c'était en France, dans un village de l'Allier. On n'accordait pas d'importance à une servante sans fiancé. Le deuil qu'a porté Louise, c'est le bon Dieu qui l'a porté. La vie qu'a travaillé Louise, c'est le bon Dieu qui l'a aidé. We'll be right back. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Short dick, dick man. What in the world is that fucking thing? Do you need some fucking tweezers to put that little thing away? That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Get the fuck out of here. sommes de retour. Radio Arc-en-Ciel organise le samedi 8 mars une soirée dansante et gourmande, une soirée pour les femmes, mais aussi pour leurs accompagnants. Au menu, le verre de l'amitié. Une planche gourmande, paella, trio de fromage, dessert, café ou thé. Et tout cela en musique, avec un concert privé et en acoustique des Capa Negra. Au prix de 25 euros pour l'adhérent, 30 euros tout public, 10 euros pour les moins de 10 ans hors boisson. Donc, le samedi 8 mars à la salle Espace Arc-en-Ciel au 266 Faubourg Bannier à Fleury-les-Aubrais. Retiens bien, 19h30 à table, a dit le chef. Ouverture des portes à 19h, réservez vite, place limitée. Au 02 38 43 50 09 ou bien par email arc-en-ciel.iota@gmail.com. On compte sur toi et les tiens. Voici donc que je laisse avec Renaud et puis juste après il y aura Gilbert Montagnier et puis ainsi François Feldman. Cousine et belle-sœur, j'ai le démon du bas-ventre, mon métier c'est dragueur. Dès que je rencontre une frangine, je lui dis salut ta, ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Avec mon sac de couchage, je suis dans tous les coups foireux, tous les naufrages. J'ai des potes qui ont de l'argent, ben ils travaillent, c'est normal. Moi mon métier c'est feignant, hey mec t'as pas 100 balles. J'ai des plans, des combines pour vivre comme un pacha. Hey viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Quand je pense que mes parents voulaient que je sois docteur. Parfois quand j'ai du blé, je flambe comme un malade. Pognon, je l'ai pas gagné, mais non, mon métier c'est minable. Waouh, super la routine, hey, salut ta, ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Hey, viens chez moi, j'habite chez une copine. J'ai mon matelas dans la cuisine. Alors tu viens si tu veux. Tranquille. Allez bien. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Allez bien. Viens la frangine. Allez bien. Non. Ah bon, d'accord. Arc-en-ciel. Chapeau de province, aujourd'hui

silence tendu de ta voix. Oui, j'ai le goût de toi. Sans que j'ai tant de mal que moi. J'avais envie de faire mon ciel dans ton amère. Ça me rend fou, je crois, de plus de toi. J'avais envie de faire mon ciel dans ton amère. Ça me rend fou, je crois, de plus de toi. Le bout d'un corps déchire ma peau. Tous mes matos portent ton drapeau. On danse le flip and flap. Tout ça avec moi, ça veut dire adopter le même pas. C'est le flip flap, flip and flap. Mon tenis et mon live feront danser tout comme moi. Flip flap, c'est facile. Flip flap, d'avoir du style. On s'éclate en dansant le flip and flap. Nous allons faire la fête, inviter nos nanas. N'oublie pas tes baskets pour danser ce pas. En dansant le flipper, sauter sur la piste, compter un, deux, trois, les épaules qui se dévissent, pas de savoir pourquoi. Dans la leçon de flip-flap, on bouge aussi les bras, on reste debout, rejoint tes genoux. Tout ça avec moi, ça veut dire adopter le même pas, c'est le flip-flap, flipper-flap. On te laisse mon live, nous ferons danser tout comme moi, flip-flap. C'est facile, flip, flap, d'avoir du style, on s'éclate, en dansant le flipper, flip, flap, hey! Ça y est, maintenant tout le monde s'active, les gars en avant se rejoignent devant. Quand tout le monde y arrive, je suis super content de voir que mes copains se glattent en danse. Tout ça avec moi, ça veut dire adopter le même pas. C'est le flip-flap, flip-flap. On te laisse mon live, nous ferons danser tout comme moi. Flip-flap, c'est facile, flip-flap. D'avoir du style, on s'éclate en dansant le flip-flap. Tout ça avec moi, ça veut dire adopter le même pas. C'est le flip-flap. Flip and flap, votre laissez mon live, nous ferons danser tout comme moi. Flip flap, c'est facile, flip flap, d'avoir du style, on s'éclate, on danse le flip and flip flap, c'est facile, flip flap, d'avoir du style, on s'éclate, on danse le flip and flip flap, c'est facile, flip flap, d'avoir du style, on s'éclate, on danse le flip and flip flap, c'est facile, flip flap, d'avoir du style, on s'éclate, on danse le flip and flip flap, c'est facile, flip flap, d'avoir du style, on s'éclate, on danse le flip and flip flap, c'est facile, flip flap, d'avoir du style, on s'éclate. Arc-en-ciel. Voici donc que ça s'appelle le Chimera, et juste après Marcel Faubeur. Oh, danser. Je sors la Porsche, je veux allumer. Je m'en vais tout droit à la discothèque. Quand j'arrive là, je fonce direct, enfermé dans ma boule de verre. Mes deux platines, mes deux amplis sont déjà prêts à fonctionner. Je trappe le disque, je le mets en place. Ça y est, je suis prêt à commencer. Les gens qui rentrent et se bousculent, tout le monde a envie de danser. Le premier disque, c'est Billie Jean. Je le mixe avec Epic Children. C'est la folie, il y a de l'ambiance. Voilà déjà le disco samba. Les scènes s'échangent, dit Peter Brown, me font penser que c'est déjà l'heure de mettre un saut pour les dragueurs qui attendent là tout seul là-bas. Bum on the boat, lift your hands up like you're floating. This a Caribbean rave, there are million ways to be known. Shake your bum bum on the boat, lift your hands up like you're floating. This a Caribbean rave, there are million ways to be known. Shake your bum bum on the boat, lift your hands up like you're floating. This a Caribbean rave, there are million ways to be known. Shake your bum bum on the boat, lift your hands up like you're floating. This a Caribbean rave, there are million ways to be known. Like Caribbean. one side. Voici nos portugais et puis juste après Patrice Acas. Desliza, desliza, desliza. Oh, não. Me sei prezza sa se digne, però cantarti un pai. Vai di prezza sa se digne, però cantarti un pai. Sta sa se digne, con un mar di, che in meglio più linee, se ninguém se vê. Se fosse outra coisa, eu não me imputava, mas foi a pilinha que eu tanto estimava. Estava-se a sardinhas com uma vez, queimei a pilinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa, eu não me importava, mas foi a pilinha que eu tanto estimava. Menina de saia curta, eu quero que sejas minha. Não voltas a sardinhas, nem a queimar a pilinha. Não voltas a sardinhas, nem a queimar a pilinha. Estava-se a sardinhas com o mar de, queimei a pilinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa, eu não me importava, mas foi a pilinha que eu tanto estimava. Estava-se a sardinhas com o mar de, queimei a pilinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa, eu não me importava, mas foi a pilinha que eu tanto estimava. Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar. Vem, vem, vem, vem, vem já. Vem, vem, vem, vem, vem já. Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar. Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar. Esta dança começa agora, vai até o sol raiar. Esta dança começa agora, vai até o sol raiar. Junte-se à nossa gente, sei que vai gostar. Junte-se à nossa gente, sei que vai gostar. Vem, vem, vem, vem, vem já. Vem, vem, vem, vem, vem já. Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar. Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar. Negros teus cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor, te vi dançando. Outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhavas. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Vou pelos caminhos, pagas teu destino, vives o amor, roubas carinhos. Onde estão teus olhos tão profundos e o calor dos teus lábios que eram meus? E o vinho que bebo abre a minha ferida, embriago, mas te quero toda a vida. Ai, ai, onde, onde estás, cigana minha, que deixas minha canção desesperada. E te chamo e te procuro por toda a parte, mas aonde estás metida ninguém sabe. Negros teus cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor, te vi dançando. Outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhavas. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Vou pelos caminhos, pagas teu destino, vives o amor, roubas carinho. Na festa da desfolhada, uma grande ansiedade. É triste viver assim, mas quando vem a saudade, chora saudades sem fim. Longe dos seus, vai vivendo a recordar quem tem Deus, que um dia há de voltar. Há no seu querer um só desejo afinal: poder morrer em Portugal. Ocupada com mil coisas, aqui. Perdoa-me se eu te interrompi. Hoje, mandando-te estas 24 rosas, as horas que por dia penso em ti. Põe-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. E se sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Põe-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes, são de quem me ama. Eu ouvi o passarinho às 4 da madrugada, cantando lindas cantigas à porta da sua amada. Por ouvir cantar tão bem, a sua amada chorou. Às 4 da madrugada, o passarinho cantou. Alentejo, terra rasa, un bassiste de Toulouse, un batteur look et Harlem, un mélange de jazz and blues, version new wave africaine. Il a vendu sa mort et le cuir de son blouson, sacrifié à la mode, une musique sans concession. Depuis le temps qu'il rame sur le sable au fond d'une cave, je peux vous dire, messieurs, dames, qu'un de ces jours ça va faire grave. Quand Jimmy dit voilà, c'est essentiel. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Franck Fernandel et puis juste après Elton John. Et voilà déjà que je me raconte. La nuit, souvent, je fais mes comptes. Le jardinier de la fleur de l'âge, c'est ça, la moitié du voyage. Mais à 40 ans, il fait beau, le soleil brille. On a des femmes qui pourraient être nos filles, et des filles qui sont déjà des femmes, et des bagages qui ont du vague à l'âme. À 20 ans, pour un je t'aime, je trichais, j'inventais. À 30 ans, j'ai failli trop y croire. Mais à 40, c'est une autre histoire. Toi, mes 40 ans, je crois qu'ils te plaisent. Tu les trouves séduisants, amusants, parfois même troublants. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu mens? De ma route ce soir, j'en ai fait la moitié. Alors des fois, je voudrais m'arrêter, faire marche arrière, raconter des choses à mon père. Mais ce qui est passé, j'ai quand même atteint mes objectifs. Alors, merci pour la vie que j'ai menée. Bilan positif. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, there is the other side. to do. You count the stars at night. And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. And if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Nakita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh no, Nakita, you'll never know. Thank you. t'endors sous mon piano. Quand je joue, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, libellule. Et toi, t'as les ailes fragiles. Moi, moi, j'ai la carlingue froissée. Et j'ai chanté toute la nuit. Ciel. Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Hey, coucou, nous revoilà, nous sommes de retour. Radio Arc-en-Ciel organise le samedi 8 mars une soirée dansante et gourmande, une soirée pour les femmes, mais aussi pour leurs accompagnants. Au menu, le verre de l'amitié, une planche gourmande, paella, trio de fromage, dessert, café ou thé. Et tout cela en musique, avec un concert privé et en acoustique des Capanegas. Au prix de 25 euros pour l'adhérent, 30 euros tout public, 10 euros pour les moins de 10 ans hors boisson. Donc, le samedi 8 mars à la salle Espace Arc-en-Ciel au 266 Faubourg Bagné à Fleury-les-Aubrais. Retiens bien, 19h30 à table, a dit le chef. Ouverture des portes à 19h. Réservez vite, place limitée, au 02 38 43 50 09 ou bien par email arc-en-ciel.iota@gmail.com. On compte sur toi et les tiens. Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Voici donc les deux titres de chansons de Ryan Bach, Amour juste après, mais c'est La Paix juste avant, et puis Eddie Mitchell. Les colombes dorment à l'ombre de grands oliviers vieux comme Hérode. Et n'ont que vu par ces heures sombres, c'est de réveiller la paix qui rôde. La paix, la paix, la paix, la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Se promener, une rue pour parler aux voisins, un banc pour voir les gens passer, une plage au soleil pour les bains. La paix, la paix, la paix, la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. un soir, je sens encore brûler nos cœurs, nos sentiments font blancs et noirs. Oh, Sur la platine, mon morceau préféré. C'est fou ce que ça balance. C'est pas terminé. Ça devient du délire. Tout le monde est sur la piste. C'est bien de la folie. Moi, ce qui me plaît, c'est de danser comme ça et de voir les regards qui se posent sur moi. Moi, ce qui me plaît, c'est de danser comme ça et de voir les regards qui se posent sur moi. Et je danse, danse, danse. Oui, je danse. Je danse, danse, danse, oui je danse, j'ai la tête qui voici donc deux titres de flamenco. Tantos años, tanto buscar, y mira dónde la fui a encontrar. Su cara luna o ángel alumbraba en el cartel. Es del norte esa chiquilla que baila con tanta garra. El chispear de su mirada es orgullo, es maravilla. La pupeta es toda gracia cuando suena el cajón. La puteta quando balla tiene gancho y me quedé con la ilusión. La puteta es toda gracia cuando suena el cajón. La puteta cuando baila tiene gancho y me quedé con la ilusión. A los 15 me enamoré sin hablarle, ya la perdí. Si se mudó, yo me quedé en la otra punta del país. Ya no baila por la azotea mientras la madre tiende la ropa. Ella taconea, revolotea la pupeta por toda Europa. La pupeta es toda gracia cuando suena el cajón. La pupeta cuando baila tiene gancho y me quedé con la ilusión. La pupeta es no baila, era yo y me quedé con la ilusión. Silencio y su taco. La pupeta es toda gracia cuando suena el cajón. La pupeta cuando baila tiene gancho y me quedé con la ilusión. La pupeta es Arc-en-ciel. Come at dawn, she'll be waiting. see the girls and play. Yeah, when I am king, surely I would need a queen and a palace.

Le soleil si absent chassant tous les nuages. Après toutes les terreurs, souffrances et orages, tout va trop vite, parfois je me suis perdue. Lâchons cet épisode si ardu. Reviens la vie, je suis dans ton oracle. Chantons ensemble et fêtons ce miracle. Revenons à nous deux, j'étais à l'envers. Maintenant pour toujours du côté la lumière. Adieu la maladie, je suis sur l'autre versant. Escalader la montagne, ça c'était bien avant. Passons à l'action, aimons-nous comme avant. Dans cette vie où la paix se désire tant et tant, tournons-nous vers elle, notre belle arc-en-ciel. Pour tous ceux qui oublient ce bijou essentiel, tout va trop vite, parfois je me suis perdu. Lâchons cet épisode si ardu. Sans que je puisse t'aider, j'aurais pris avec moi tes douleurs incessantes. Et comme par magie abrégé tes souffrances. Celui qui te donne tout au quotidien. Mon ami, mon amour. Pour nous deux, à jamais, pour toujours. Chaque jour, il ne faut pas craquer. Donner toute ma force, mon courage et t'aimer. Que ta maladie nous unit pour la vie. C'est comme ça et je suis heureux. Oh, oh, oh. À l'avenir, nos projets seront si nombreux. Notre résilience fera de nous des chanceux. Mon ami, mon amour, pour nous deux à jamais, pour toujours, s'appelle le Noé Wheeler. Arc-en-ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Voilà donc à quoi on continue avec les chansons, voici donc l'arrivée des programmes. Donc bien, ce soir, à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe, et puis juste après, entre 21h et 23h, le deuxième Christophe. Et bien, si pour mercredi matin avec Victor, entre 9h jusqu'à midi, et puis en fin de soirée, entre 18h jusqu'à 19h30 avec Violette. Et puis pour le matin du jeudi, avec Amer Giraud, entre 9h jusqu'à midi, et puis vous allez retrouver Chantal entre 18h 20h, donc jeudi. Et bien non, je vous laisse avec les avions, mais avant, tout simplement, je vous laisse avec aussi Christine Rock. Loin.

Laissez filer, assumer notre sexe, vivons sans complexe. 36 heures sur 24, c'est vivant. Coco boy, coco girl, tu es dieu de tes, tu es dieu de tes. Tu es dieu de tes, tu es dieu de tes. Et quand tu coco girl rencontre un coco boy, ça fait du oui, ça fait du you, ça fait du you, du la. To make a dream survive. Who's got the to come?

very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? Say, oh yes, yet again, can you stop the cavalry? Mary Bradley waits at home in the nuclear fallout zone. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Wish I was at home. Bang, that's another bomb on another town. While the Tsar and Jim have tea, if I get home, lift up, tell the tale, I'll run for all presidencies. If I get elected, I'll stop, I will stop the cavalry. Arc-en-ciel. Voici une chanson portugaise. Deixa-me ter as minhas feras. notre vie. Já tá aquecer. toca meu. Isto da mulher uma e também pitoca meu. Oh paz, o homem, ai minha mãe, ou então está quase a fazer um charinho. Toma lá duas, charinho, toma lá duas. Charinho, deixa-me ter as minhas pernas é para as tuas. Charinho, toma lá duas, charinho, toma lá três. Charinho, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. Na apanha da azeitona. E as moças da minha aldeia, na apanha da azeitona, da azeitona. E umas meteu para o saco e outras meteu para a para. Ora, as moças da minha aldeia, na apanha da azeitona, umas meteu para o saco e as outras meteu para a para a cesta. Mestarinho, toma lá, mestarinho, toma lá tu. Mestarinho, deixa-me ter as minhas pés atrás tu. Mestarinho, toma lá tu. Mestarinho, toma lá três. Mestarinho, deixa-me ter as minhas pés outra vez. Patrick Bruel et puis juste après Marchman. Toutes les nanas sont pas comme ça. Pardonnez-moi si j'arrive un peu en retard. Et ma maman ne voulait pas que je sorte ce soir. Elle me fait toujours quand je viens vous voir. Mon cher amour, toute une histoire. Des aventures, je peux dire que j'en ai eu des tonnes. Mais celle-ci dure depuis 3 mois et ça m'étonne. Car l'amour m'est venu par hasard quand je suis monté dans sa Jaguar. Maintenant je me fais traiter de pédé pour faire plaisir à ma poule. mes potes. Non seulement j'ai plus un copain, mais en plus faut que je me fasse les siens. Traversant la frontière, procès, jugement, 3 mois ferme. Je suis sorti hier. Elle m'attendait dans sa Jaguar. L'amour m'est revenu par hasard. cherchons. Eh bien, l'émission touche bientôt à sa fin. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé un moment avec l'émission tout ça dans l'après-midi. Et puis, n'oubliez pas qu'à partir de 19h, eh bien, vous allez retrouver d'autres émissions différentes. Voilà donc, on va se retrouver donc, eh bien, vendredi prochain. Puis ainsi, on se retrouve aussi dimanche à partir de 12h30. Et puis ainsi pour l'accordéon qui suivra. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous, à vous toutes.